Eh ouais, bonsoir à tous. Donc voilà, vous pouvez toujours nous contacter au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio rubrique direct et on va accueillir Benji. Allô. Allô. Attends, il est peut-être parti mettre la cassette. Oh non, attends, on va pas quand on commence pas des débats avec les mecs qui se cassent quand on leur demande. Hein. Mais non, mais il m'a dit 2 minutes, je vais mettre la cassette. Oh non, mais c'est bon, tu t'attaques. C'est bon, ça n'arrive pas tout de suite. Yasmine. Salut la France, salut Paris. Salut. Steve. Salut Gérard, je te souhaite un bon débat, Gérard. Merci. Billy. Billy Jean. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Marceau. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et Yola. Bonsoir mon chéri, bonsoir tout le monde. Non, je suis pas ton chéri, d'accord. Voilà. Tu commences pas. Non, mais tu commences pas, d'accord. Il est énervé ce soir, je vous préviens. Et bon, Benji, il est pas là? Si, si, là. Ah, quand même. Bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir. Parle dans ton combiné, Benji, merci. Bien sûr. C'est mieux, là? Ouais. Non, tu alors, premier débat, c'est sur l'automoto. Ouais. Génial. Super. Et après, il y a téléfoot? Non, après, vous n'avez pas commencé comme ça, parce que sinon, ça va très mal se terminer, d'accord? Te dire un truc, c'est tu es très désagréable ce soir et nous on t'a rien fait, s'il te plaît. Alors du calme. Ouais, ben vous allez vous calmer parce que je veux un débat comme la mais semaine. Mais non, on est calme. Non, mais Gérard, toi qui énervé, Gérard. Moi, je veux un débat comme la semaine dernière. Gérard, sois pas aigri, s'il te plaît. Écoute-moi, Gérard, écoute-moi 30 secondes. Si tu commences en gueulant et en étant aigri, c'est sûr que les auditeurs ils vont pas être sympas avec toi. Ils t'ont rien fait pour l'instant. Bah oui. Donc sois cool avec eux. Évidemment, Manu, évidemment. On est cool. Donc alors. Regardez-vous à la télé la Formule 1, la première question sur le premier débat automoto. Donc, ouais, vous écoutez? Oui. Ouais, bah écoute, à la télé, ouais, de temps en temps, bah, juste la fin, parce qu'après il y a téléfoot en fait. Mais sinon, je préfère me déplacer carrément, tu vois, dans des... Non, mais attends, c'est Steve là qui répond. Ouais, ouais. Steve? Oui. La Formule 1, chez moi, je commence pas avant téléfoot, ça dépend des grands prix, d'accord? Exactement. Ouais. Je suis d'accord avec Gégé. Ce que je veux dire, c'est que je préfère me déplacer en fait dans des lieux où il y a carrément des courses automobiles, tu vois, où t'es carrément présent, quoi, pour voir les explosions et les voitures et tout. Non, mais je te demande, est-ce que tu le suis à la télé, c'est tout? Ouais, ouais, bah je te dis, ouais, juste avant un téléfoot, ouais. Mais c'est pas avant, c'est pas... Ah si, ça dépend de l'heure. Ouais, ça dépend de l'heure déjà, pour commencer. Bon, d'accord. Bon, il y a Benji? Bah non, moi c'est chiant, ça tourne, ça n'arrête plus, hein. Moi je regarde pas ça, moi. Des fois, éventuellement, je regarde la fin pour voir qui c'est qui gagne, mais sinon, je m'en fous totalement. Hein. D'accord. Yasmine? Ouais, moi je regarde pas, je trouve que c'est tout naze, il n'y a rien à voir de voir des voitures qui tournent, il n'y a aucun sens. Voilà, bien joué, Yasmine. Non, mais pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir. Il y a des voitures qui tournent autour d'un petit passage comme ça, il n'y a rien à voir. C'est la même chose. Et en plus, c'est pas marrant, ils tournent tous dans le même sens. Non, voilà, mais c'est excitant quand ils se doublent. Ouais. C'est vachement excitant quand ils ouvrent, tu vois, quand ils se rentrent dedans. Ils se rentrent dedans, quoi. Mm-hmm. Voilà. Ouais, donc, Billie Jean. Ouais, Billie Jean. Ouais, Billie Jean. Ouais, Billie Jean, là. Billie Jean. Black Pile. Oh, s'il vous plaît, on se calme, là. Moi, je regarde la Formule 1, c'est seulement pour voir les beaux garçons, quoi. Michael Schumacher, c'est fantastique. Ouais, il est beau, lui. C'est vrai qu'il est quelqu'un, moi, je l'aime. Attends, donc ça c'est pas le thème de la question. Non, mais oui, mais moi je regarde uniquement la Formule 1 à la télé pour ça, quoi. C'est pour mater Mika Hakkinen, Schumacher et tout, quoi. Voilà, c'est les beaux gosses, c'est agréable à voir. Comment vous faites pour voir des beaux gosses alors qu'ils sont tous avec des casques? Non, mais donc ils gagnent à la fin. Non, mais même. Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais même, Fildar, il a raison sur ce qu'il dit. Comment vous pouvez le voir, d'accord, à la fin, mais encore, c'est pas évident, hein. Mais Gérard, on voit ses yeux. Non, mais quand ils sont filmés, on voit ses beaux yeux, donc. Voilà, non, on voit ses yeux quand ils sont en train de tourner. Et surtout qu'il gagne un million par course aussi, il faut le dire. Ouais, non, voilà. Non, attends, qui c'est qui vient de poser cette question? C'est Marceau. Non, mais Marceau, je vais te dire une chose. Là, comment tu peux savoir qu'il gagne un million par course? Parce que j'ai fait ça en amateur. C'est un ancien pilote. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est peut-être vrai, Gérard. Non, mais on verra. Donc, toi, Marceau? Ouais, moi, j'aime pas trop voir des courses de Formule 1 à la télé. Je trouve ça chiant. Je m'endors toujours avant la fin. Eh, hey, Marceau? Ouais. Je crois que t'as un téléphone pourri. Ah non, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'ailleurs, toi. C'est pas possible parce que j'appelle toutes les semaines et c'est toujours le même. Ah ouais, bah je m'en doutais. Yola? Oui, alors moi j'aime bien regarder, c'est comme Belgian, parce que en fait les mecs ils sont vachement excitants quand tu les vois en train de faire le tour de la piste et tout. Mmh. Et surtout j'adore quand ils se rentrent dedans. Mmh. Moi ça m'excite quand ils se rentrent dedans. Non, mais attendez, moi je vais répondre. Là, moi je suis pas d'accord avec toi, Yola. Parce que écoute, quand ils essaient de se doubler, c'est vachement excitant, ils se frôlent. Oui, oui, mais d'accord, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que dans ces cas-là, si t'aimes bien regarder un Grand Prix de Formule 1 à la télé, ouais. Pour les voir se rentrer dedans, ouais. c'est pas du tout... Non, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Hein. Oui, mais même que ça soit que ça soit sur du goudron ou autre, je m'en fous. Non, c'est Steve, là. C'est gênant, mais c'est lui sur l'herbe quand même, hein. Ouais, non, mais même, moi, je trouve c'est pas ça... C'est sur l'herbe, Gérard, hein. Ouais, mais moi, je trouve pas ça drôle de regarder un Grand Prix pour les voir se rentrer dedans. Moi, pour moi, c'est pas... Ouais, pas un sport. Ouais, mais quand il tourne, à force, ma tête, elle tourne après. Ouais, non, ouais mais ça, c'est sûr, faut aimer... faut aimer la Formule 1, déjà, pour commencer. Ouais. Faut pouvoir regarder du début jusqu'à la non, fin. Non, mais Gérard, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu trouves d'excitant à regarder ça, s'il te plaît? Non, mais moi, la même question pour moi. Non, mais moi, j'adore la Formule 1. Je suis désolé, je suis un passionné de Formule 1. Ouais, pourquoi? Je peux vous dire une chose, que je resterai des heures devant ouais. mon poste. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'excite? Non, mais moi, c'est pas les... Non, mais c'est les tours, tu comptes les tours, c'est ça? Non, ouais. Non, ce qui m'intéresse, c'est le départ. Mm-hmm. Parce que le départ, c'est le primordial, c'est de savoir lequel qui va partir. En premier? Voilà, c'est le premier. Départ, ça pourra Ouais. C'est celui qui part en premier. Hein. Oui, non, mais ça dépend. Ça dépend parce que celui qui part le premier, je suis désolé pour. Il peut faire doubler. Hein. Non. Mais moi, s'il prend un faux départ, pour moi, il ira pas. Et pourquoi il prend pas un vrai départ? Oui. Ouais, c'est Billy. Je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire parce que je crois qu'en fait, ils n'ont rien compris à la Formule 1. Il faut dire qu'en fait, la Formule 1, ben, c'est excitant en fait. Il y a du suspense à mort. Tu sais pas qui c'est. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, les accidents, quand il faut qu'ils changent les roues, tu vois. Ouais, tu vois, c'est très important. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis là, Billy Jean. Billy Jean, ouais. Billy Jean. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je peux te dire que tout peut jouer sur le ravitaillement et les changements de pneus. Voilà. Ça, c'est vrai. Et voilà, Gérard, conseil technique. C'est vrai. Sur des secondes, ça oui, jouer. Mais moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, je suis un passionné de Formule 1. L'année dernière, j'ai regardé tous les Grands Prix. Ah, et fais-moi confiance que le dernier Grand Prix s'est joué à quoi? À un point. Ouais, même pas, hein. À une seconde. Ouais, même pas, ils étaient tous sur le même centième, hein. Non. Entre Michael Schumacher et. Non, pas Ayrton Senna, merci. Et Jacques Villeneuve. Ils étaient à un point, tous les deux. Prost. Hein? C'est qui ça? Schumacher et Coulthard. Villeneuve. C'est qui, Coulthard? Mais non, Villeneuve. Panis. Non, ça c'est quoi? Villeneuve et Schumacher. Ah, d'accord. Arrêtez de dire des bêtises là, s'il vous plaît. Gérard, c'est Yola. Oui. Est-ce que tu aimes bien, comment il s'appelle, Pénis, c'est ça? Olivier Panis. Olivier Panis, d'accord. Ouais. Est-ce que tu l'aimes bien? C'est un pilote français, lui, il a gagné avec Il est canadien. Non. Il est canadien. Il est québécois. Olivier Panis, c'est un canadien. Bien sûr. Merci, Gérard. N'importe quoi. Moi, écoute la voix de la sagesse. Il fait un débat sur la Formule 1, il sait même pas les nationalités. Bon, attends, toi, si t'es pas content, tu as pas commencé, d'accord? Gérard. Je sais pourquoi on fait thème la Formule 1. Stop. Il y a une question sur le 3615 Fun Radio, vous pouvez nous rejoindre. On nous dit que est-ce que ça t'excite tellement que tu bandes de non, tu regardes un truc quoi. De Formule 1, mais ça peut arriver. Non, il m'arrive quand j'écoute une zik que vraiment j'aime bien, et ben ça me fait bander. Par exemple au départ, est-ce que t'as le trick? Tu bandes peut-être devant un changement de pneu ou un truc comme ça. Non, sans déconner, Gérard. N'importe quoi. Bon, on a fait le tour de la question. Non mais attends, je voulais te dire un truc, c'est Billy. Je voulais te dire parce qu'en fait il a raison, parce que moi quand j'entends les vibrations du moteur et tout ça, moi ça m'excite, hein. C'est grave, hein. N'importe quoi. Gérard, c'est comme le vibro, on prend le vibro, tu vois. Ouais, mais si tu te mets une voiture de Formule 1 là où je pense, ça la fout mal, quoi. Moi, qui c'est qui voulait poser une question? Je vais te poser une question, là, Gérard, c'est Benjamin. On m'a demandé, est-ce que tu m'autorises à faire un paradoxe avec la Formule 1 et le tennis? Non. C'est un peu toujours la même chose, regarde. Non. Regarde, il s'envoie la balle d'un côté, l'autre il la renvoie, puis il se renvoie la balle de l'autre côté, c'est comme la Formule 1, c'est toujours la même chose. Ouais, exactement. Eh Benjamin, c'est bon. Non, mais moi je te dis, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Gérard, je dois te poser une question parce que lors de la dernière course de la saison dernière, moi j'ai cru entendre dire qu'il y avait un des coureurs qui avait perdu les clés de sa Formule 1. Non, ils ont pas de clés sur une Formule 1, je suis désolé. Comment ça démarre alors? Si, ils en ont une, Gérard. Mais Gérard va répondre. Je connais mieux que vous, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de clé comme sur une voiture. Il y a même pas de clé. Non. Ça démarre comment une voiture? Non, ça se démarre pas sur avec une clé de contact. Dans certains pays, si, Gérard. Non, je te dis. Mais comment Gérard, je te pose une question, c'est Yola. Ouais. Est-ce que c'est aussi... Enfin, ça coûte combien? Parce que moi, j'ai jamais été dans l'hôtel Formule 1. Ça coûte combien? La nuit? Oui. C'est bien. Non, mais c'est pas mal. Moi, je te le paye, si tu veux. Non, mais c'est bien, parce que la avec pub... Non, mais c'est bien, parce que là, vous êtes en train de faire de la pub et on n'est pas là pour... Non, mais c'est pas Gérard, excuse-moi. Gérard, c'est... Ouais. Gérard. On pourrait se poser, est-ce qu'ils ont le droit, justement, à l'hôtel, de prendre le nom Formule 1? Bah ça, c'est... Parce que d'où c'est ça vient? Pourquoi ça s'appelle Formule 1? C'est du plagiat, hein, ils ont non, le droit, mais, normalement. Non, mais je ne sais pas d'où ça vient, et donc, automatiquement, pourquoi ils ont pris ces trucs-là, je n'en sais rien, tu vois. C'est automatique aussi, c'est des boîtes automatiques. Bon, bah c'est bon, toi, tu vas te... Marceau, ouais, tu vas commencer à te calmer, toi. C'est Steve, j'ai une question. Ouais, Steve. Ouais, tu parlais de publicité, ça ne gêne pas toute la pub qu'il y a à la télévision par rapport au Formule 1? Quand tu vois une course, c'est une pub. Ouais, non mais ça... Tu vois le malin, là. Non, mais même, de toute manière, j'aime pas... je peux te le dire tout de suite, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je vois, c'est vrai, c'est ça, quand t'es bien passionné dans les tours, et que d'un seul coup, t'es forcé, t'es coupé par une pub, ça, c'est, je déteste. Donc, voilà. Tout la pub. Ce qu'il faut dire, voilà. Gérard, c'est que tu regardes la Formule 1 pour jouer au jeu top position pour acheter des meubles pour chez toi. Bon, alors Marceau, tu dégages. Bonne nuit. Ah, mais c'était une petite blague comme ça, ça va, Gérard. Non, c'est pas méchant. Gérard, non, mais dégage pas comme ça, Gérard. C'était Marceau, pas méchant. Il s'en va. Ou mais tu le calmes. Je le calme. Tu le calmes tout de suite. C'est pas méchant, il a rien dit de mal. Il se calme et tu le calmes, Fildar, s'il te plaît. J'ai dit qu'on faisait des débats comme la semaine dernière. Gérard, j'ai une question. Oui, c'est qui? C'est Benjamin. Ouais, je sais pas, tu te souviens d'un slogan Renault? C'est qu'il disait, 26 palmarès de champion, c'est plus qu'un palmarès, c'est un hold-up. Et qu'est-ce que tu penses de ce slogan? C'est un vrai slogan, Gérard, c'est véridique, hein. Je te pose une question sérieuse. Qu'est-ce que non, tu penses de ce slogan? Attends, tu l'as vu où? Ah, mais si, c'est marqué partout, sur les panneaux de métro et ça, il y a 6 titres de champion, Renault, c'est plus qu'un palmarès, c'est un hold-up. C'est tellement malin, c'est pas moi qui ai pu l'inventer. Voilà, là, je peux. C'est pas un hold-up, Gérard. Bah, on va pas parler de ça, s'il te plaît, d'accord? Non, mais c'est quoi un hold-up? Je te demande. Non, mais on va pas en discuter. On n'est pas là pour parler de hold-up, on est là pour faire des débats. Ah, c'est le terme de Formule 1 là, qui signifie quand tu doubles et que t'as pas le droit, c'est ça? Non, hold-up, c'est un terme technique. Hein. Non, mais. Oui. Ouais, je vais te dire un dernier truc, s'il te plaît. C'est qui? C'est Billie Jean. Je vais te dire. Parce qu'en fait, est-ce que tu penses que. Le départ, le ravitaillement, tout ça, ça a un coup de truc avec la pub. Comment ça? Parce que je crois que ça a un rapport, tout ça. Non, mais attends, dans quel sens? C'est-à-dire le ravitaillement, tout ça, il y a la pub qui arrive, il y a... Ah non, attends, ouais. Alors moi, excuse-moi de couper la parole. Moi, je peux te dire une chose, que le ravitaillement et changement de pub... Marceau, s'il te plaît. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je peux te dire une chose, que le ravitaillement et le changement de pneus sont faits avant la pub. On va en terminer là-dessus. Hein. Moi, je peux vous dire une chose, que tous les ravitaillements et les changements de pneus se font après. Yola n'est pas d'accord. Se font avant la pub. Attendez, il y a Manu qui veut me poser une question. Ouais, on nous demande sur les Minitel si au contrôle technique, toi, t'as déjà fait changer ton pot. Je vois pas le rapport avec la Formule 1. Bah, c'est aussi quand il s'arrête au stand. Non, mais je vois pas le rapport avec la Formule 1. La question, est-ce je vois... que ton pot brûle? Non, mais je vois pas du tout le rapport. Il y a pas de rapport, en fait. Je préviens tout de suite entre Steve et Benjamin et Marceau. Vous allez vous calmer tous les trois. Ouais, Gérard. Rigoler un peu, Gérard. Ouais, peut-être, il a rigolé, d'accord. Moi, je veux faire des débats dans des meilleures conditions qu'on les a fait l'année dernière. Ouais. Donc, je voudrais que cette année, la semaine dernière, le débat s'est super bien passé. Ouais, ça sera comme ça, Gérard. Non, mais Gérard, faut pas non plus que ça devienne une obsession. Hein. Le débat se passe bien, donc arrête d'en parler et continue. Bah, vas-y, dehors, question, Gérard. Dehors, Gérard, continue le débat, on s'en fout. Donc, alors, participez-vous à des compétitions dans ce sport? Allô? Oui, alors c'est Yola? Allô? Mais... Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Allô? Oui, Gérard, tu m'entends? Oui. Allô? Oui, c'est... Allô? Oui. Oui, c'est Yola. Alors je disais que moi je participe effectivement à la mécanique. C'est-à-dire que je change les pneus pendant les courses. Hein. Après les courses et avant les courses. Et tu peux t'occuper de mon gicleur, il y a un problème. Et je préviens tout de suite. Attendez, s'il vous plaît. Il y en a un qui a un téléphone pourri et ça s'entend. Il y en a un qui a avec un portable. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. embrasse. Il y a de la vue, là. Il y a de la tension. Marceau. Oui. Donc, toi. Non, je m'occupe pas trop de ce sport et je fais pas de compétition, non. Désolé. Alors, est-ce que tu participes? Bah non, non plus, puisque je m'occupe pas de ce sport. Mais est-ce que tu donnes de l'argent à la pas à la question, là. Hein. Non, mais attends, Marceau. Ouais. T'as compris la question ou pas? Bien sûr, bien sûr. Participez-vous à des compétitions? Tu comprends? On ne demande pas si t'aimes ou pas. Non, je participe pas à des compétitions, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, tu comprends pas? Redis-le encore. Ouais, d'accord. Non, je m'intéresse pas. Voilà. Non, ouais, bon. Non, okay. Est-ce que t'as quelqu'un de ta famille non. alors? Non, mais ça, je veux pas. Attends. Eh ben, redis-le. Pardon. Redis-le. Faut que tu le dises. Bah, plus tard, c'est pas compétition, ça, plus tard. Oh, vous calmez là. C'est pas possible. C'est pas compétition. Oh ouais. Faut le dire. Oh, vous vous calmez, s'il vous plaît. Non, j'affirme son idée. Ouais, non, mais vous vous calmez, c'est pas parce que Max est pas là que tu vas foutre ton bordel, quoi. Ah, c'est bon. D'accord, Pildar. Pas de problème, Gérard, c'est toi le chef. Billie Jean. Oh, wow. Ouais, en fait, j'ai déjà assisté à des... ouais, je participe en tant qu'hôtesse. Donc, ça me permet de mater tous les beaux mecs, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais hôtesse au circuit de Manicourt. Ouais. Comment ça, ouais, Gégé? Ouais, tu crois que je vais te croire? Gérard, pourquoi tu crois personne jamais? Pourquoi tu crois personne jamais? C'est bon, je vais voir après. Je t'enverrai des photos, Gégé. Tu leur donnais à boire au pilote? Ouais. Et tu sais, tu disais quoi au micro? Attends, alors vas-y. Donc tu lui donnes à boire comment au pilote? Par le casque. Il passe, il tend la main et puis il l'attrape. Par le casque, alors comment? Attendez. Donc par le casque, comment tu peux boire? Avec une paille. Ouais, t'as tout faux. Ah. Alors, moi, il passe comment, Gégé? Alors, moi, je peux te dire une chose, tu vois. Déjà, là, c'est du baratin, ce que t'es en train de me dire, celle de Nice. Ouais. Non, Billie Jean. Ouais. Pour l'instant, c'est du baratin. T'es une menteuse. Parce que déjà, une, ils boivent pas avec des pailles. Et ils sont reliés, ils ont quelque chose sur eux, relié avec un petit tuyau. Donc dans ce cas-là... Oui, mais on le place avant. Ah ouais, non. Ça, c'est la sonde. C'est la sonde qui a poussé, ça. Non, mais c'est bon, de toute manière, tu vois, je viens de te coincer. Je ne sais pas avec une paille. C'est bon, t'es une menteuse. T'es une menteuse. T'es une menteuse. T'es une menteuse. Steve. Steve, à toi. Bah écoute, moi, je dirais que je participe d'une façon purement symbolique. C'est-à-dire que je recense un peu, tu vois, j'ai des statistiques et puis je note un peu tout, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai posé une question. Qui a fini 3e du championnat du monde 97? Ah, attends, mais ça... Metz. Ah, tu fais moins le malin. Ah ouais, hein. C'est Metz. L'OM. Eh, on parle pas de foot, d'accord? C'est l'Olympique de Marseille. Gérard, si t'es un vrai fan de Formule 1, ouais, tu dois répondre. Heineken. Non, mais attends, il parle de foot. Moi, je parle non, pas non, de foot. Non. Il parlait pas de foot, Gérard. Déjà, une. Ouais. Le premier, ça a été Schumacher. Non, Villeneuve. Schumacher, il a été déclassé. 81 points, Schumacher 78 et non, Schumacher, il a été déclassé. Non, ça raconte n'importe quoi, attendez, Schumacher a été déclassé. Schumacher, c'est un gardien de but. Mais Schumacher, c'est un gardien de but et... D'accord. Et tout à l'heure, tu as retourné au standard, tu vas être le gardien de but aussi, toi. Ouais, le gardien de but, c'est Yasmine. Tu as raison, c'est marqué avant le déclassement de Schumacher, le 11-11-97. Ouais. Parce que Schumacher... Ouais. Pour finir, le troisième c'est Frenzen et le quatrième c'est Alain Prost qui a quand même fait un. Non, Alain Prost il est directeur d'écurie. Non, il est viré. Tous en même temps, les auditeurs. Eh, je peux te dire une chose, Steve. Oui. Que Schumacher a été déclassé pourquoi qu'il a été déclassé? Moi, je veux dire pourquoi. Non, parce qu'il a voulu faire comme Ayrton Senna. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un Ayrton Senna numéro 2. Il a voulu jouer les Ponjo. Il a voulu jouer les Ponjo vis-à-vis de Jacques Villeneuve sur le dernier Grand Prix. C'est Ponjo, c'est Ayrton Senna. Gérard. Oui. J'ai une blague. Non, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Il y a une question sur Minitel, Gérard. Oui. On nous dit que toi, tu participes à des crash tests et que depuis, on connaît la suite. Est-ce que c'est vrai? C'est même pas... tu vois... Non, mais je ne sais pas ce que c'est des crash tests. Non, mais j'ai l'impression, les gens sur Minitel, soit que vous réagissez comme il faut sur le débat, ou soit que vous n'appelez plus pour dépenser votre pognon, on va arrêter le Minitel. Non. Parce que là, c'est complètement des conneries. Gérard, c'est quoi des crash tests? J'en sais rien. Bah alors, si ça se trouve, c'est pas des conneries. Comment non, mais de toute manière, je demande aux gens qui réagissent sur les questions qu'on pose, pas sur des conneries. Ouais, mais t'as demandé, est-ce que tu participes à des grands prix aux auditeurs? Et lui, il dit que tu participes à des crash tests. Et tu sais même pas ce que c'est des crash tests et tu gueules, je comprends pas. Mais même, moi je demande à ce que les gens, ceux qui ont l'habitude de regarder des grands prix de Formule 1 ou autre, réagissent sur Minitel. Non, mais c'est quand tu craches le plus loin les crash tests, c'est ce qui est important. Êtes-vous pour, comment s'il vous plaît? Benjamin, tu n'as pas répondu? Ouais, donc moi je voulais dire que je participe pas aux compétitions parce que ça va beaucoup trop vite. Mais sinon, je peux faire des compétitions de brouette si ça intéresse quelqu'un, j'ai une brouette avant. D'accord. Mais sinon, Formule 1, ça va beaucoup trop vite pour moi, c'est trop dangereux. Ok. Alors, la troisième question. Gérard? Oui. Yasmine, elle n'a pas répondu. Eh ouais, il y a Gérard, eh ouais. Bah, c'est pourtant. Non. Je réponds. Vas-y, Yasmine. Donc, moi, je me vois mal faire la Formule 1 au milieu de ma petite ville, là, sur une petite route, en train de m'afficher devant tout le monde avec une petite voiture et tourner en rond. Bah, pourtant, t'es pas loin, toi. T'es quand même pas tellement loin de Paris-Dakar. Non, du Grand Prix de Manicourt. Non, mais même, c'est tout petit. Et j'aime pas la Formule 1, c'est nul, on tourne en rond, on fait que des tours et ça donne mal à la tête. Gérard, je peux vraiment pas dire ma blague? Non. Vas-y, dis-la, s'il te plaît. Non, je vais me faire gerber. J'ai l'impression que... C'est qui veut faire la blague? Benjamin. Alors Benjamin, tu vas voir Fulder au standard, s'il te plaît. Et moi, je veux pas l'avoir, la blague, m'en fous. Hein. Mais j'ai rien dit. Non, mais tu lui dis que c'est les débats, c'est pas des blagues. Non, il la fait pas, c'est tout. Mais Gérard, c'est Yola. Oui. T'as l'habitude de tourner en rond, parce que t'aimes bien la Formule 1. Mais moi, je peux regarder un Grand Prix de Formule 1 toute la nuit. Non, mais Gérard, c'est Marceau, j'ai une question à te poser sur le fait, enfin, tu m'as dit qu'il buvait avec un flacon. C'est une paille, mais il pisse où? Non mais attends Marceau. Dans le même flacon ou? Non mais attends Marceau. Il y a un truc qui vient d'apprendre et ils boivent la pisse. Non. Il y a un bidon pour boire. C'est pour ça qu'il y a des queues de poisson, ils boivent la pisse en fait. Bon Marceau, je sens que tu vas pas finir. Non mais je te pose la question, j'ai dit. Il y a un bidon pour boire et un bidon pour pisser quand il y en a qui dans la route et qui s'est trompé de bidon. Non, s'il vous plaît, on se calme. Gérard? Quoi? C'est Yasmine, j'ai une question à te poser. Vas-y. Ça donne pas trop mal à la tête de regarder pendant des heures, toute la nuit, un Paris-Dakar, comme ça, une compétition de Formule 1, t'as pas envie d'aspirine de temps en temps? Non, non. Tu tiens la route, Gérard? Moi, je peux te dire une chose, que la Formule 1, moi, j'adore ça. Et pourquoi? Parce que je suis un passionné de Formule 1, c'est tout. Et ça, Gérard, attendez. Gérard, j'ai une question. C'est le répondre. Mais c'est le répondre, oui. Je réponds à Yasmine. C'est Yasmine qui m'a posé la question. Moi, je peux te dire que même cette année, je vais suivre tous les grands prix. Oh, Yasmine. Mais si. Ouais. Et Gérard, qu'est-ce qu'elle fait samedi pendant que tu te tapes les queues devant Jean? Allez-y. Bon, alors, c'est qui vient de dire ça? Gérard, j'ai une question. Gérard, moi aussi j'ai une question, Benjamin. Fais gaffe, s'il te plaît. C'est une question, Gérard. Non. Gérard, j'ai une question, Benjamin. Tu me chopes. Ou Steve ou Marceau qui est. Mais c'est pas Non, ça. Mais attendez, c'est jamais personne qui dit des conneries. Ça se voit que je ne fais pas là pour vous. Là, pour l'instant, vous êtes en train de me faire chier. Gérard, vous n'avez pas commencé comme ça. Gérard, j'ai une question. Non, passe à la troisième. Ça y est. Êtes-vous pour le rallye Paris-Dakar au départ de Lyon jusqu'à en Israël? Ils sont cons, hein. C'est pas grave. C'est Max qui l'a écrite, alors tu lui diras. Non, Benjamin. Elle est super, cette question. Super. Ouais, ça bien joué, Max. Benjamin. Ouais, donc moi je pense que non, pourquoi le déplacer? Il est très bien de Paris à Dakar, donc pourquoi le déplacer de Lyon? Parce que ça sera plus loin, parce qu'avant il fallait aller à Paris, maintenant il faudra aller jusqu'à Lyon. Alors, pour ceux qui habitent à Lyon, ce sera plus près, mais pour ceux qui habitent à Paris, ça leur fera du chemin. Mais attends, Benjamin. Oui. En TGV, t'as 2 heures, hein? Bah oui, mais la voiture, tu la mets où dans le TGV? Bah attends, en voiture, selon comment que tu roules, t'en as pour... Avec une Formule 1 sur l'autoroute, Paris. Si en voiture, tu la mets où, TGV, en plus? On n'a pas tous des voitures, hein. Bon, Yasmine. Ouais. Donc pour toi? Ah bah moi je dis pourquoi pas, hein, si on peut faire aussi Bordeaux-Bruxelles. Non mais là tu vas vers le nord, c'est pas bon, tu vas aller vers le sud. Non mais on peut faire ce qu'on veut, hein, Paris-Dakar. Ouais. Pourquoi faire tout le temps la même chose? Ah bah, là, pourquoi le Tour de France, ce serait pas le Tour de Suisse aussi, on s'en voilà. Plus. Ouais, le Tour d'Espagne si tu veux. Voilà. Bon, Yola répond. Allô? Oui, Steve. Putain, j'ai changé de voix, je suis en train de muer. Steve, moi. S'il te plaît. Ouais, je te réponds, Gérard. Oh, tu travailles ou quoi là? Ouais, je suis là, ouais. Donc moi je dirais, ouais, bah, Lyon, bah très bien, parce que déjà j'habite Lyon. Et en plus, pourquoi pas, donc c'est une bonne idée. Non mais attends, Steve. Ouais. Tu te fous de ma gueule ou tu prends le métro? Tu te fous de ma gueule ou tu prends le métro? Bah les deux. Tu fais les deux? Non mais c'est quoi, pourquoi? Non mais attends, tu dis que t'habites à Lyon? Ouais. Et comment que ça se fait que moi j'ai tapis, c'est marqué Amiens? Mais parce que je j'arrête pas de voyager, j'ai plusieurs fiches, qu'est-ce que je t'ai. Ah ouais, t'as plusieurs fiches, abruti. Bah non, plusieurs noms aussi. Une insulte pour Goldorak. Bon bah et alors, bon, j'en ai rien à foutre, Goldorak, c'est... Deux insultes, foutre. Deux. Ouais, oh, oh, si ça vous plaît pas, c'est le même prix, vous allez virer, vous les mecs. Oh, hein. Je peux répondre. Bon, Billie Jean. Oui, écoute, DG, moi je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y aura un tout petit problème. Ce sera à propos du ravitaillement des pneus et de l'essence. Non mais je te... Attends, hey, oh. Ça tu fais de la question là. Oh, tu réponds à la question ou pas? Mais écoute, oui, c'est bah, ça. Ouais, non mais vous pour le rallye de Paris-Dakar au départ de Lyon jusqu'en Israël. Mais oui, tout à fait. Non mais attends, on ne parle pas des ravitaillements de pneus, ou des changements de pneus. N'importe quoi, toi. Il y aura des problèmes, quoi. Pourquoi? Parce que à propos des pneus, ils seront usés parce que c'est une longue distance, donc il y aura un problème de pneus, de pub et de plein de trucs, quoi. GG. Oui, je t'écoute. Bah voilà, ah, il s'en fout, Gérard, ce que tu dis. Hein. Ouais, la pub, elle pourra pas passer, quoi. Ouais, bon, moi, je vois. Non, c'est bon. Marceau. Oui. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai fait un truc exceptionnel, là. Oh, bah. Je lui lance une clope, et en fait, je lance la clope, elle tombe directement dans son globe de café, donc la clope est morte. Oh là là. Bah, j'en touille avec la clope. J'en profite, il y a une question sur Minitel. On nous dit, une Formule 1 suce 150 litres au 100. Et Gérard, c'est combien? C'est pareil. Attends, non mais attends, je vois. Attendez. Gérard, explique. Mais c'est en train de chercher une Formule 1 sus 150 litres au 100. Ouais, c'est ce qu'on nous dit sur Minitel, c'est Max Biaggi qui nous dit ça. Et on nous demande, toi, c'est combien? Rien du tout. Combien tu suces, toi, par jour, par exemple? Pas du tout, moi, je suce pas. Ah, d'accord. Tu voulais t'envoyer une aile? Ouais, Marceau. Moi, j'en veux bien, vous. Marceau. Bah, si tu veux. Oui. Donc, non, mais la question, elle est pas sérieuse et moi je réponds qu'aux questions sérieuses. Hein. Bon, alors Marceau. Marceau. Les matchs de la Formule 1. Bon, alors Marceau. Tu vas gérer. Marceau. Qu'est-ce qu'il y a? Marceau. Quoi? Marceau. Ouais. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Eh ben, tu vas aller voir Fulder au standard si tu veux plus répondre aux questions. Non, je suis désolé, Marceau. Soit tu réponds correctement aux questions, ou soit tu gères. Vas-y. Non, mais alors, dans ce cas-là, tu prends Marceau. Mais attends, Gérard, quand il te pose une question que t'as pas envie de répondre, tu dis non, j'ai pas envie. Non, voilà. Dans ce cas-là, pourquoi tu participes au débat? Non, mais la question, elle est débile, faut le dire. Voilà, il y a une question débile, toutes les autres questions. Pas tous en même temps. Dans ce cas-là, si elles sont débiles, les questions, vous faites une chose, eh ben, vous. Non, j'ai dit que celle-là, elle était débile. Non, mais là, il faut répondre à même débile. D'accord, bah, je trouve ça super qu'il passe par Israël. Ouais, c'est bon, t'as rien compris. Yola. Oui, alors moi je préfère qu'il démarre à Pigalle, qu'il fasse Barbès et qu'il arrive à Boulogne. Moi, ouais, je mais s'il démarre à Pigalle, non, mais ça sera pas très long. Non, mais t'as rien compris à la question. Non, mais si, parce que Boulogne ça existe en Israël, hein. Vous connaissez pas l'Israël, désolé. Ah, bah oui, on n'est pas israélien. Non, moi non plus, mais bon, il y a la géographie. Non, mais moi je suis inculte. Ah, d'accord. J'ai compris, Gérard. Je voulais te demander, c'est Billie Jean qui te parle. Où se trouve Israël? Parce que je sais pas du tout. Hein. En Écosse. Ouais, c'est ça. Alors, laissez répondre GG. Bah, de toute manière, c'est pas le thème des débats, d'accord? Je fais pas de débat sur la géographie. Mais toi, tu réponds pas à la question. Pourquoi? Parce que tu sais pas, c'est tout. Voilà, mais voilà, dis-le. Je sais pas. C'est tout. Mais moi, je dis pas que c'est une question débile, c'est que je ne sais pas. Je suis pas comme Marceau qui dit, ouais, mais c'est des questions débiles. C'est tout. Alors, réponds, Gérard. Israël, c'est en Afrique, c'est où? Non, c'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique. Je ne sais pas, c'est tout. Ouais. Voilà. Merci, si tu veux. Mais voilà, Gérard, je peux demander à Steve parce que c'est un grand voyageur. Ouais, mais attends. Juste un truc. Ce que je comprends pas, Gérard, c'est que tu dis, c'est pas là, mais après tu dis que tu sais pas, donc si ça se trouve, c'est quand même là. Je ne sais pas, c'est tout. Oui, mais il dit c'est en Afrique. Non, c'est pas en Afrique. Bah alors, c'est que tu sais où c'est, tu dis que c'est pas en Afrique. Israël, c'est pas en Afrique. Bah, t'es vraiment un culte, hein. Bon, ça commence à bien faire vos questions, là. Passons à la quatrième question, s'il te plaît. Alors, pensez-vous que ce genre de sport est dangereux le matin? Et là, on va mettre un 10. Vous allez réfléchir et on va mettre l'avis. C'est bien quand on n'a pas de caniche avec des carottes où je pense. Voilà. Yeah. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, vous pouvez toujours nous appeler, c'est les débats de jeudi, et vous pouvez toujours nous joindre au 0800 0803 08 5000 et 0870 5000, et pour les Belges, 0331 47 139 5000, et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique direct, et on récupère Benjamin. Non, présent. Yasmine. Ouais, je suis là. Steve. Coucou, je suis là. Billie Jean. Bonsoir. Où? Marceau. Ouais, enchaîne. Marceau, je te préviens, tu vas te calmer, tu vas pas commencer, d'accord? Il y a une énergie qui va gerber. Non, calmez-vous, là. Ok, parce que si j'enchaîne, tu vas enchaîner, je vais prendre quelqu'un d'autre à ta place, Marceau. Ouais. Ok. Calmons-nous, excuse. Yola, pour finir. Ouais. Donc, alors, la quatrième. Donc, je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir. On a fait que ça. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Je vais pas m'amuser à répéter toutes les questions. Non, mais bon, Gérard, ne t'énerve pas, Gérard. Voilà, alors, pensez-vous que ce genre de sport est dangereux le matin? Voilà. Je réponds? Ben, allez-y. Donc, Billie Jean. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est dangereux quand même le matin. Mais pourquoi? Parce que, écoute, le climat n'est pas approprié. Ton physique n'est pas à point. Mmh. Donc, t'es pas entraîné, tout ça. Et scientifiquement, le corps ne doit pas travailler le matin, quoi. Donc, d'accord. Marceau, je peux répondre? Oui. Donc, moi, le matin, comme j'ai la gaule, je conduis sans les mains. Bon, Marceau, tu vas aller faire un petit stage. Mais quoi? Mais c'est vrai. Mais il a rien fait. Il a le droit de répondre, Gérard. J'ai rien dit de méchant, c'est vrai. Non. Là, tu réponds, il répond. T'es jaloux parce que je conduis avec ma quéquette, c'est ça? C'est méchant. Yola. Oui, alors moi, je préfère que... Enfin, je pense que c'est plus dangereux le soir... Parce qu'étant donné que le soir on voit rien et les routes ne sont pas éclairées. Ouais, voilà, et puis il n'y a pas de phare sur une Formule 1. Voilà, ouais. C'est mal étiqueté. C'est plus dangereux le soir. Hein. Pour peu qu'il y ait un grand prix dans la nuit, hein, Formule 1, et paf, tout le monde dans le mur. Hein. Non, mais je vous parle du matin, hein, je vous parle pas du soir. Hein. Bah, non, mais, tu nous as dit, non, est-ce que c'est problème, dangereux là, le matin? Moi, je t'ai dit que c'est dangereux le soir. Non, c'est plus dangereux le soir que le matin. Je sais pourquoi il n'y a pas de phare, d'allume-cigare et d'autoradio sur une Formule 1, alors que ça coûte des millions. J'en sais rien. Steve. Ok, merci. Bah écoute, moi je dirais que ouais. Je trouve que c'est très dangereux le matin, parce que quand tu regardes bien, Senna il est mort le matin et Alain Prost aussi. Alain Prost n'est pas mort, c'était celui-là. Il est mort, il est mort. Alain Prost est directeur d'écurie. Non, il est n'importe quoi, il n'est pas dans les chevaux. Le directeur, il s'occupe d'une écurie de Formule 1. Je suis désolé. Vous allez vous calmer. Le directeur d'écurie, il a 4 chevaux. Ça s'appelle comment l'écurie de Prost? Honda. Comment? Honda. N'importe quoi. Pardon, désolé. Steve, donc tu viens de répondre. Yasmine. Ouais, moi je suis une deuxième fois si tu veux. Non, tu réponds pas une deuxième fois, Steve. Yasmine. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Yola. C'est plus dangereux le soir que le matin. Le soir, on voit rien et c'est tout. Mmh. Et non, Benjamin. Entre les murs. Bah, si tu veux, le matin, comme t'as la tête dans le cul, bon bah, si tu conduis avec le cul devant, quoi, tu risques d'avoir un accident. Donc, je pense qu'il vaut mieux éviter de conduire le matin. Ouais, comme moi, en fait. D'accord. Bon, et toi, Gérard? Personnellement, moi, je pense que c'est plus dangereux le matin et c'est tout. Et est-ce que tu crois que le pilote de Formule 1 doit prendre un petit déjeuner obligatoirement le matin avant de courir? Ça, je peux pas te dire parce que je sais pas ce que j'ai jamais été sur un circuit, donc je peux pas savoir ce qu'ils mangent exactement avant de partir. Non, mais tu crois que c'est bien qu'ils mangent avant de prendre la route? Bah, il y en a qui mangent avant, il y en a qui mangent après. Ah ouais? Tu crois? Mmh. C'est tout? Ouais. Merci, Gérard. Gérard? Oui. J'ai une question, Benjamin. Est-ce que t'aurais voulu, quand t'étais petit, faire de la Formule 1? La Formule 1, ça se fait pas petit, hein. Ça se fait quand même. Oui, mais quand t'étais petit, t'aurais rêvé, quand t'étais plus grande, de faire. Est-ce que tu t'as fait passer contre le mur? Non mais c'est vrai. Tu sais, quand t'étais petit, est-ce que t'avais un rêve de te dire plus tard, quand je serai grand, je ferai de la Formule 1? Non, mais mon rêve, quand j'ai... comment? Vas-y, je vous posez une question, laissez-le répondre alors. Donc je réponds à Benjamin, mon rêve quand j'étais petit, c'était toujours de conduire des camions, c'est tout. Voilà. Ah, bah, t'as... Tu me dis devant toi, ça fait airbag. Bon, Marceau, tu t'en vas. Salut. Marceau, bonne nuit. Gérard, par contre, on nous dit sur Minitel, pas possible la Formule 1 parce que pas d'alcool au volant. Oui, mais je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Mais GG, oui. GG, c'est Billie Jean. Je voulais te dire un truc, si vraiment t'es un pro de la Formule 1, tu vas répondre à cette question. Les gamins qui vont être plus tard champions de Formule 1, ils commencent un sport quand ils sont jeunes. Ils conduisent, mais ils conduisent quoi? Bah, les kartings. Voilà, bah, excellent. Et après, ils montent en quoi? Ils montent en... La division. Bon, c'est... Oh. Non, mais vas-y, GG. Karting, Formule... Non, il n'y a pas de Formule 4, c'est Formule 3. Et après, c'est Formule 1. Voilà. Donc, on continue. Allez, vous là, oui. Yasmine, elle a une question. Oui. Je voulais te demander, t'as déjà vu de la Formule 1 en direct, mais de près? Non. Non, mais justement, c'est ce que la question... La question. Ah, vas-y. Allez-vous voir ce sport sur les circuits ou autres? Ah. Bah, je peux répondre, Benjamin. Oui. Ouais, bah, je peux te dire que non, parce que j'y suis allé une fois. Et que ça fait un bruit de folie, hein. Il faudrait mettre des sourdines là-dessus, hein. Ou alors il faudrait mettre airbag ABS ou un truc comme ça, parce que c'est trop de bruit, hein, les formules. Benjamin. Oui. Donc, t'as été sur quel circuit exactement? Hein, sur Magny-Cours. Ah ouais, celui qui est du côté de Nevers, là. Voilà, mais je conseille à personne, parce que ça fait un bruit de folie, hein. Ouais, ben ça, je suis d'accord avec toi. Même quand tu les suis pendant plus de deux heures à la télé... Ouais, mais moi, déjà, ça me fait chier en plus. Alors toi encore, t'es un passionné, donc à la limite, même le bruit, ça te gênerait pas trop. Alors moi, déjà, ça me faisait chier d'y aller, alors en plus, avec le bruit... Non, mais c'est pas que je suis... moi, je peux très bien aller sur un circuit et rester deux heures à entendre les voitures tourner. Ça me dérange pas du tout, hein. Mais celui de Monaco, il paraît, il est très bien. Je suis jamais allé, mais très bien, il paraît. Ouais, mais celui de Monaco, il est... Excusez-moi, celui de Monaco, donc, il est quand même assez dangereux par rapport à Magny-Cours, hein. Parce que celui-là, il se déroule en pleine ville. Ouais, voilà, puis il y en a un qui s'est tué, enfin pas qui s'est tué, mais presque, il avait failli, un pilote, là, je sais plus lequel, tiens, Gérard éclairci ma lanterne, il avait failli se tuer à Monaco. Attends, ouais, je vois, celui qui a manqué de se tuer, c'est un Français, mais attends. Ouais, voilà, non, c'est pas Olivier. Tous les protos de GG et Christine 125, ils sont 1750. Non, mais Manu, si c'est pour dire ça, pour tout foutre en l'air l'ambiance c'est du débat, c'est qui hein. C'est Triceps. Non, bah, Triceps, tu vas te faire enculer, connard. Oh, non. Voilà, c'est tout, ça y est, pour moi. Il aura compris. C'était pas la peine d'insulter. En Casimir, pour finir. Oh là là. Bon, ben moi, j'achète pas beaucoup de bouquins d'automoto. Jamais, même. Parce que la Formule 1, moi, j'en ai rien à péter. Mais bon, j'aime bien quand même. D'accord. Bah, Gérard, c'est Steve, j'ai pas répondu, hein. Pas répondu? Oui, Steve n'a pas répondu, c'est vrai. Il répond, Steve. Bah, alors, vas-y. Avec plaisir. Bah, écoute, ouais, déjà, bien, t'as bien raison de casser le mec qui t'a envoyé un message sur Minitel, c'est bien. Je suis avec toi. Mmh. Ouais, on est tous avec toi. Deuxième chose, donc, bah, écoute, tu sais, je speed beaucoup, je voyage pas mal, mais quand je rentre un peu chez moi, il m'arrive, ouais, d'acheter une revue, comme Le Monde, ouais. Alors, mais en fait, GG? Oui. Je voulais te dire un truc. C'est qui? Le problème, c'est que... C'est qui te posait la question? Je sais, le problème, c'est que ça coûte énormément, ça coûte cher quand même. Donc tout ton fric il passe en fin de compte. Alors moi je vais te dire une chose, dans ce cas-là je vais te renvoyer l'appareil. Je te renvoie l'appareil. Je te renvoie l'appareil. Voilà. Dans ce cas-là, si ça coûte cher un magazine de F1, moi je vais te dire une chose, que d'acheter d'autres magazines, ça revient aussi cher que d'acheter un magazine de F1. C'est quel genre de magazine, quel genre? T'as qu'à prendre n'importe quel magazine sur des chanteurs, bah, ça revient aussi cher. Alma Magazine, tout ça. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, ça y est, on a fait le tour de la question. Ok. Oui. Yasmine a une question, tu pourrais répondre s'il te plaît? Vas-y. Non, mais aux questions que tu poses, tu réponds jamais. Bah, c'est une question, moi je t'ai dit. Moi j'ai une question, moi. Bah attends, tu permets. D'accord. Chacun son tour. Donc je te réponds, Yasmine, j'ai dit tout à l'heure que j'avais qu'un bouquin de sur la Formule 1, c'est tout. Gérard, je peux te poser une question, c'est Benjamin. Oui. Ouais, donc je te pose la question, donc tu dis que tu n'as qu'un magazine, mais est-ce que tu as des accessoires, style des casques, des volants Non. Non, mais c'est absolument sérieux hein, ce que je te demande, Gérard. Est-ce que tu as des accessoires, des combinaisons? Celle qui se marre, quand on pose des questions comme ça, va dégager. Ouais, non, c'est sérieux en plus, il y a cette lèche-cul là, celle qui se fait pas. Hein, Billie Jean? Non, mais bon, je vais tomber là. Ouais, laisse tomber, je serai je me calmerai tout de suite aussi. C'est trop, parce que c'est pas moi qui ris là. Hein. Ouais, non, mais je vais pas faire ça. Donc je réponds, donc c'est Benjamin qui m'avait posé cette question. Là, je veux en rentrer après, toi. Qui On va se prendre en rentrer. Calmez-vous là, on va se prendre. On peut écouter Gérard, s'il vous plaît. Oui, Gérard, il veut répondre là. Et Marie, t'inquiète pas, je t'aime bien quand même. Bon, donc, pour répondre à la question à Benjamin, avant qu'on pose la question et qu'on fasse une pause, donc, je réponds tout de suite, non, je n'ai pas d'accessoires, ni de casque, ni de volant, ni de gants. Est-ce que tu voudras en avoir, par exemple? Parce que si, par exemple, un pilote, un jour, se voit, se dit, ah, je vous reconnais, vous êtes Gérard de Suresnes, et ça, tenez, je vous offre mon casque, par exemple. Bon, attends, déjà, faudrait que les pilotes écoutent la radio, quand même. Non, ça se trouve. Non, mais imaginons même, il te connaît pas. Même. On dit, alors il rentre au vestiaire, et toi t'es sur le chemin des vestiaires, et tout, tu l'acclames, le pilote, et puis lui il fait, ah oh, bah vous avez une bonne tête et tout, ce qui risque pas d'arriver, et il te donne le casque. Mais moi je le prends, moi je veux bien. Et est-ce que tu lui fais la bise, tu lui dis merci, tu sais? Non, pas. Mais je lui serre la main, c'est tout. Bon, c'est tout. Bonsoir. Ouais. Donc voilà. Gérard. Quoi? Alain Prost. Gérard, oh attends, j'ai Alain Prost qui veut participer au débat là. Éteins le micro s'il te plaît. Mais j'ai Alain Prost qui veut. Mais éteins le micro s'il te plaît. Qu'est-ce que je lui dis, Alain? Calme-toi, éteins le micro. Tu fais pas comme la semaine dernière? La semaine dernière, ça s'est dit, là, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est pas ça, Gérard. Stop! Feriez-vous des câlins dans une voiture de course et on s'écoute? Quand je pense à Fernande, avec qui? Avec ce qu'il faut, je bande. Voilà. Sous les écus sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, c'est la suite des débats du jeudi. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et pour les Belges, 0331. On s'en fout. 49, 79, 5000. Non, je m'en fous pas des Belges parce qu'ils sont quand même nombreux à nous écouter aussi. D'accord, Pilar? Donc on sait pas qu'on s'en fout. Je rigole. Alors là, si tu t'en fous pas, c'est pas 49 mais 47. Ouais, 47 5000. Voilà. Donc 47 79 5000. Dans ce cas-là, t'as quand même le marqué comme il faut quelque part et je m'en souviendrai pour. Tu connais pas encore depuis 4 ans, Gégé. Non, pas depuis 4 ans, depuis 2 ans. Disons 3 bientôt. Donc on récupère Benjamin. Toujours présent, Benjamin. Yasmine. Ouais, je suis là. Steve. Coucou. Billie Jean. Ouhou. Billie Jean. Bonsoir, Gégé. Yola. Bonsoir. Et Casimir. Oui, c'est Casimir, c'est la fête sur l'île aux enfants, là. Non, alors. Gégé, fais-moi le titre de la chanson, s'il te plaît. Le titre, c'était « Quand je pense à Fernande avec ce qu'il faut, je bande ». Voilà. Ok. Donc, alors, je repose la question. Donc, feriez-vous des câlins dans une voiture de course, hein? Donc, Casimir? Des câlins dans une voiture de course? Diana et Dodi Al-Fayed l'ont fait, donc... Alors, Casimir, tu vas aller voir Pildar, s'il te plaît. Mais c'est vrai, Gérard, écoute. Je suis calme. Gérard. Donc, non, mais Casimir, tu vas voir plus tard. Je suis calme, Gégé. Non, mais Casimir, attends. Non, ça va, il a rien dit. Oh, c'est pas méchant, Gégé. Non, enchaîne, mais c'est pas comme ça, d'accord. Bon, donc, toi... Non, mais ouais, je ferai des câlins, moi, ouais, bien sûr. Okay. Eh ben, Gérard, c'est Benjamin. Ouais. Ouais, moi, je pense que là, tu baisses encore dans ta crédulité en tant que fan, puisque je sais pas si t'as vu la place qu'il y a dans une Formule 1 pour le pilote. Mm-hmm. Je vois pas comment tu peux faire des câlins dans cette petite place là où il y a juste la place pour tendre les jambes et mettre les pédales. Donc là, tu baisses encore dans ta crédulité en tant que fan. Non, mais ça, Billie Jean, s'il te plaît, Billie Jean, tu me laisses finir, s'il te plaît. Voilà, non, mais ça y est, j'ai fini, Gérard. Je veux dire, pourquoi pas, mais je vois pas comment on pourrait faire ça alors qu'il y a une toute petite place. Gérard, le pilote, il a même pas la place de mettre les coudes à l'horizontale. Bah, ça, c'est sûr. Gérard, là, tu baisses encore dans mon estime dans ta question, à moins que ce soit pas toi qui a écrit la question, mais sinon, bon. Non, mais moi, je peux te dire que. Ça tient pas la route, quoi. Non, mais j'ai jamais. Des questions, franchement. Non, mais tais-toi. Qui c'est qui dit ça, là? C'est pas écrire. Tu me tais si je veux. Non, mais oui, mais sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Ouais, bah, allez-y. Bon, Yasmine. Vas-y, réponds. Yasmine. Ouais. Donc, pour toi? Ouais, moi, c'est mon fantasme avec Manu. Super, la réponse. C'est pas Manu, Yasmine, oui. elle veut te faire des câlins dans une voiture de course. Ouais, mais moi je veux pas. Il est déjà pris, Manu. Exactement. C'est sympa, Manu. Voilà, Manu, il veut pas, Manu. Non, mais moi je suis fidèle, je suis désolé. Non, mais moi je vais bien avec toi, Gérard. Il n'y aura pas la voiture, Manu. J'approche, Manu, il est marié. Non, mais son cœur est pris à vie. Exactement. Il voilà. est marié. Steve. Putain, ta question, elle m'excite grave, quoi. Comment? Grave. Il tape pas la quiche, là. Putain. Mais Steve. Oh, ouais, je disais, c'est très, très excitant. Bah, ouais, câlin dans une voiture de Formule 1, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. J'ajouterais, pourquoi pas. D'accord. Billie Jean. Écoute-moi, sincèrement, très sincèrement, je vais faire un grand fantasme avec Michael Schumacher. C'est doucement, alors. Michael Schumacher, et on ferait plein de galipettes. Vraiment, ce serait top. D'accord. Yola. Oui, alors moi, j'aimerais bien... Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous calmez, s'il vous plaît, derrière, merci. Alors, un, deux. Oui, vas-y. Gérard, moi j'aimerais bien te sucer sur une voiture de Formule 1. Non, mais j'attends que ça. Hein. Bon, Yola, je vais te dire une chose que je suis déjà pris, d'accord? Mais c'est pas grave, on fait ça à droit. On partage. Non, moi je partage pas. Et toi, est-ce que tu ferais ça avec Sandy en Formule 1? Ah, pourquoi pas. Comment tu ferais? Tu la mettrais où, Sandy? Ben, je la mettrais sur mes genoux, hein. Tu la mettrais pas dans le coffre de la Formule 1? Ah non, il n'y a pas de coffre dans une Formule 1 quand même. Non, mais ça tiendrait jamais dans le cockpit du pilote. Ah, mais on sait jamais. Voilà. Donc, ça, c'est la réponse, hein. Mon chat, il dit, voilà, quoi. Auriez-vous des fantasmes sur... Bon, celui qui rigole comme un perdu, il va... Écoute, Gérard. Non, parce qu'à mon avis, t'es en train d'imaginer la scène. Tu vois, toi avec Sandy dans une F1, ça devait être extraordinaire. En train de la Sodome. Ouais, c'est clair. Ah, bah, ça reste à voir. On verra ça par la suite. S'il vous plaît, je continue de... Tu l'avais dans le coffre ou pas? Ben, attends, tu permets que je termine de répondre à Pildar? Et Gérard? Non, il répond, Je peux finir de répondre, merci. Donc, avec Sandy, ça va dépendre de la voiture qu'on aura, c'est tout. Si c'est une Formule 1, si c'est une deux pattes, je préfère dans une deux pattes. Ça, c'est quand même le mieux, hein. Ah bon? Ah ouais, parce que la dodoche, je ne sais pas si tu connais, toi. Ouais, j'ai déjà tapé Sandy dans une dodoche, c'est pas mal. Voilà, donc, auriez-vous des fantasmes sur une moto? Sur une? Moto. Moto, oui. Oh oui, qui? Yola. Oui. Oui, alors moi j'aimerais bien par exemple qu'on me fasse l'amour sur la moto, mais j'ai les jambes écartées, je suis assise sur le guidon. Mmh. J'ai les jambes écartées et puis le mec il est assis normalement comme s'il roulait et puis en fait il me prend comme ça devant, quoi. Enfin toi de préférence Gérard. Ouais, ouais, je vois. Si la moto sonne, ça te convient, pas chez moi quand tu veux. Casimir? Pas de commentaire. D'accord. No comment. Billie Jean? Ouh. Ouh. Ouh. Écoute, ouais, ouais, tout à fait, ouais, sur une moto ce serait bien. Ouais, ce serait. C'est sur Minitel, non? Comment? Non, mais attends, je demande à Manu. Non, du tout. Non, pas pour l'instant. Donc, Steve, fil d'art. Non, ça va, ma mère va bien, elle va m'appeler. Elle t'embrasse. Ouais, tu l'embrasses. Bonjour, d'ailleurs, fil d'art. Ouais, c'est bon, s'il vous plaît, là, tous mais les deux. Oui. Je voulais te dire qu'en fait, la moto, c'est un fantasme présent dans l'esprit de l'homme. D'accord. Steve. Oh putain, ta question m'excite de plus en plus. Steve. Je suis grave excité. Steve. Steve. Oui, attends, je rentre de voyage, je suis fatigué, je peux m'exciter. Bon, alors Steve, tu vas voir Fuller au standard. Je réponds, Gérard. Il va s'exciter sur moi après. Oh, non, je te réponds, Gérard. Hop. Je te réponds. Vas-y. Pas de commentaire. Tu peux? Vas-y. D'accord. Non, oui, c'est vrai que la moto peut être très excitante. et je sais pas, je vois bien une femme sur une selle. Enfin, t'enlèves la selle, quoi. Ça peut être encore mieux, même. Tu confonds pas le vélo et la moto? Stop. Non, j'ai l'impression. Oh. On se calme, là, avec l'erreur de cochon. Merci. Oh, donc, cochon. Sur Minitel, Maria Carré, donc raccroche. On a pris ton nouveau numéro de téléphone. Donc, cette fois-ci, c'est bon, on va te rappeler. Ah, c'est vrai, elle sent quelque chose en direct. Gérard. J'ai une question. Yasmine. Gérard, j'ai une question. Yasmine. Oh. Vous vous calmez là ou quoi? Vous allez vous calmer maintenant, s'il vous plaît, Yasmine. Ouais, moi, j'ai pas de commentaire. La question, elle me plaît pas. Elle d'accord. Benjamin. Moi, je pense que déjà, sur une selle de moto, il y a du cuir. Donc, le cuir, à la base, bon, je suis un peu comme Steve. Hein, tu commences à m'exciter pas mal, là, avec des questions, là, Gérard. Ouais, aussi, ouais. Je sais pas qui c'est qui les a bossées, mais elles sont vraiment bien, bien faites. Hein. En plus, le cuir, c'est ça, donc. Et Gérard, j'ai une question, c'est Casimir. Bah vas-y, pose. C'est quoi la question suivante? Bah pour l'instant, tu vas te calmer. Gérard, je peux te poser une question, c'est Yola. Oui. Est-ce que tu me prêterais Sandy pour lui faire l'amant dans une moto? Non. Une moto. Non, mais Gérard, ça y est, c'est bon. Non, je voulais dire seulement que tu te réveilles un peu, parce que là, tu t'endors, là, hein. c'est relou, pas. Hein. Ouais, tu fais qu'un un peu plus. Gérard, c'est Steve, est-ce que je peux me caresser, là? Moi, tu fais ce que tu veux, si t'as plus envie de répondre, tu vas au standard. Je pose une question, c'est tout. Alors, pensez-vous que... Est-ce que je peux te fermer sur la bouche? Oui. Non, on verra ça plus tard. On répond aux questions. Pensez-vous que les soirées rallye du 16e rentrent dans les catégories auto, motocross, Benjamin? On n'a pas compris la question. Gérard. Ta question, bon, je la trouve assez idiote, hein, il faut bien le dire. Non, mais est-ce qu'on peut écouter la question d'avant parce qu'on n'a rien compris? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Alors, pensez-vous que les soirées rallye du 16e rentrent... Que les quoi? Que les soirées rallye... Ah oui. Les soirées rallye. Rentrent... que les soirées du... Attends, pensez-vous que les soirées du 16e rentrent dans la catégorie automotocross? Oh là là, on peut rien comprendre. Hein. Je sais pas vérifier l'image. Attends, je vais la lire la question, Gérard. Je vais la lire. Non, mais ça y est, j'ai très bien compris. Ils vont répondre parce que tout à l'heure, s'ils veulent pas répondre, ils vont tous dire... Mais pas compris. Gérard, mais vous avez très bien compris. Est-ce que vous pensez... S'ils n'ont pas compris, ils peuvent pas répondre. Attends, je vais le dire en français. Est-ce que vous pensez que les soirées rallye du 16e entrent quoi dans la catégorie... Auto-motocross. C'est ça, moi j'ai compris. Chacun son tour. Moi j'ai compris, Benjamin. Ouais. Donc moi je pense que, à mon avis, non, parce que bon, les habitants du 16e, ils ont pas trop envie d'être dérangés. Et comme les motocross, ben ça fait beaucoup de bruit, ben je pense pas qu'on puisse les faire rentrer dans cette catégorie-là, parce que après ça serait la police qui rentrerait dans le rallye, et bon, ce serait pas bon, quoi. Mmh. Yasmine? Moi je vais te dire ouais, en fait. D'accord. Ok. Steve? Ben non, je crois pas qu'au 16e siècle, il y avait des rallyes, hein, tu te lâches. Hein. Hyper constructif comme réponse. Non, mais on parle pas de siècle. Billie Jean? Écoute, moi je dis que oui, c'est tout à fait possible, hein, parce que les soirées, le rallye, le 16e, tout ça, ça fait une bonne mixture et l'explosion ne peut être que bénéfique. Hein. Mm-hmm. Voilà. Yola? Ouais, alors moi je préfère qu'elle rentre quand même dans le 92e. Hein. Ouais. Mm-hmm. C'est très mieux, hein. Dans le 94, c'est mieux. Non, 92. Ouais, Casimir? Moi je pense que le 16e amendement de la loi, en effet, autorise. Non, on parle pas d'amendement. Non, c'est le 15e amendement. Ah, c'est le 15e, pardon. Casimir. Non mais là c'est aucun rapport avec la question, Gérard. Casimir. Oui. T'es à côté de la question. Mais je sais même pas de quoi on parle. Va un peu plus vers la gauche. Vers la gauche, t'as la question, tu la vois là ? Plus haut, plus haut, voilà. À gauche, là, voilà. Ah, c'est bon, t'es dessus là. Voilà. Surtout le dimanche. D'accord, bah, t'as toujours pas compris. Et toi, Gérard ? Voilà. Moi, personnellement, je peux vous dire une chose que ça m'étonnerait. Mais est-ce que tu penses que ce serait mieux dans le 15e ou dans le 14e arrondissement ou pas ? Non plus. Non plus ? Pourquoi ? Dans aucun arrondissement. Et pourquoi ? Parce que je vois pas le rapport des rallyes dans Paris. Ça veut dire de Formule 1 ou autre. Tu veux dire en fait qu'ils ont pas le droit de faire du motocross dans le 15e, dans le 16e ? Il y a des terrains pour. Hein, dans le 16e ? Non, pas dans le 16e. Je sais même plus où qu'il y en a des terrains. Si, il y en a du côté de banlieue parisienne. J'ai une question. Oui. Benjamin, j'ai une question. Oui. Alors imaginons que dans ta question, à la place de mettre le 16e arrondissement, on ait mis sur Rennes. Est-ce que toi tu aurais été dérangé, par exemple, si t'entendais un rallye motocross dans Non, il aurait été content, Gérard. Est-ce que tu serais gêné ? Est-ce que ça te gênerait ? Ou alors est-ce que bon, ça te gênerait pas et tu te mettras à ta fenêtre et ce serait plutôt cool, comme ça t'aurais pas. Bon, moi j'en ai. Non, mais personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de rallye chez moi, donc le jour où ça se passera, ben, je regarderai, pourquoi pas. Mais Gérard, est-ce que tu as vu des motocrottes chez toi ? Motocross, espèce de tasse. Non, mais les motocrottes, ça existe. Non, mais ça existe, les motocrottes. Les rallyes motocrottes, ouais. Ouais, je sais, il y a maintenant, c'est. Quand je suis revenu chez moi. On voit qu'il est cultivé, hein. C'est vrai ? Oui. Je vais poser une question. Hum ? Experigine. Donc, je vais te dire si. Et en fait, la commission de la Fédération française disait qu'ils voulaient construire un circuit à Suresnes. Est-ce que tu serais d'accord ? Mais ça dépend de la municipalité, déjà, pour commencer. Puis il faudrait déjà trouver les terrains adéquats. Gérard, tu ne réponds pas à la question, Gérard. Tu te réponds pas à la question, Gérard. Te demande si tu serais d'accord. Non, mais je réponds. Ça dépend de la municipalité pour trouver le terrain adéquat pour faire du... Non, mais c'est bon, il a répondu à la question. Adéquat, Gérard. Bon, alors, ça y est. Non, mais ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va faire le... On fait la conclusion. Déjà ? Non. Il n'y a pas de question ? Non. On a déjà fait le tour des questions, ça va vite avec Gérard ce soir, comme il est fatigué et qu'il a pas la pêche avec 0. Hurle pas, hurle. Non mais je crois que Gérard il a plus envie de... Il a plus envie d'aller lui chercher un café pour le réveiller, je sais pas. Non, je crois qu'il y a Sandy qui l'attend. Je crois qu'il a trop envie d'aller rejoindre Sandy dans le lit là. Il est pas dans les studios, Gégé. Cochon. Je pense que c'est ça maintenant, je pense qu'il se fait chier avec nous et qu'il préfère rejoindre Sandy le plus vite possible. Gégé, moi je vais pleurer. Il a trop envie de rentrer dans son soir. De toute façon elle est pas là Sandy, elle est partie faire du motocross avec Angie là. Ouais c'est ça. Mais Gégé. Non, mais moi, je peux répondre à vos questions si c'est pas des questions bidons, hein. Oui, Gérard. Ouais. Bon, alors, attends, on va faire un truc, c'est chacun votre tour, quoi, un par un. Mais pas des questions bidons. Ok. Allez, c'est parti. Bah alors ? Super, hyper constructif. Eh, je viens de vous me dire, je vous réponds à des questions. Est-ce que t'as déjà fait... C'est les fils d'art, bonsoir, Gérard. Est-ce que t'as déjà fait de la moto, toi ? Non. Gérard, j'ai une question. Oui ? Est-ce que tu serais prêt à faire une course de moto ? Avec Sandy derrière toi, c'est des motos à deux. Le pauvre pneu. Non, mais attendez, je viens de vous dire que j'ai jamais fait de moto, donc je vois pas pourquoi vous insistez avec. Que tu fasses des rallyes. Est-ce que tu serais prêt à monter avec Sandy derrière toi ? Pourquoi pas ? D'accord, Gérard, c'est ce que je voulais savoir, merci. Gérard, j'ai une question, c'est Casimir. Attends, Casimir. Non, moi j'avais une question, Manu Neuilly. Bonsoir Manu. Bonsoir. Bonsoir Gérard. C'est est-ce que t'as réussi à convertir Sandy à la Formule 1 ou est-ce que quand tu la regardes, elle se fait chier quoi ? Non, mais elle repasse tes slips. Non, elle regarde le foot et moi je regarde autre chose comme on. En même temps, vous avez deux télés alors ? Bah oui. Ah ouais, d'accord, donc ça simplifie tout. J'ai une question ? Oui, deux télés, le Gérard. Oh, les trop la thune, le GG. Deux télés. Non, mais on les a donnés. En plus Gérard, rentelle là. Il y a des essais qui vont venir faire positionner là. Ah, mais Monsieur Gérard est une star. Monsieur Gérard a reçu une montre de Fun Radio et tout. Monsieur Gérard. Yasmine. J'ai une question. Je demande à Yasmine pour l'ensemble. Il est Jean, tu vas te calmer un petit peu. Merci. Bon, Gérard. Oui. Tu serais prêt à devenir pilote de Formule 1 ? Si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Et t'as pas peur de t'éclater contre un mur ? Ben ça c'est un sport qui est Gérard. Comme... attends, 5 minutes, celui qui veut me parler, hein. Attends, on se calme. Donc, pour répondre à ta question, ça c'est un sport, ils ont choisi de faire ça. C'est leur métier, c'est comme ceux qui ont choisi de jouer au foot et qui se cassent des tibias ou autre, c'est pareil. Il paraît qu'avant... Ouais Gérard, c'est pour une question. Est-ce que je peux te mettre mon poids lourd dans le derrière ? C'est qui ? Ah, la question. Ça qui est qui vient de dire ça? Steve? Mais non, c'est pas Steve, ta gueule, Casimir. Bon, Yola, commence à me les gonfler là, c'est attends. Steve, je peux poser une question? Yola peut poser une question? Yola et Steve après. Oui, alors moi, Gérard, est-ce que moi je te verrais bien en fait faire des courses de Solex avec un slip jaune sur la tête et gagner et faire tout le tour du circuit de Boulogne. Alors est-ce moi, que tu m'attirais ou pas? Alors moi, je vais te répondre tout de suite à ta question qui est bête et con. Mais non, c'est une bête question. Con, non, mais moi, je vais dire une chose. Attendez, s'il vous plaît, merci. Donc moi, Yola, tu vois ce que je verrais bien en toi, c'est de te voir piloter une Formule 1 sans soutien-gorge. Steve. Ouais, Gérard, tu me suceras les tétons en même temps? Non, pas du tout. Bon, bah alors pourquoi tu veux me voir? Voilà, c'est tout. Steve. Ouais, la question est la suivante, c'est certaines personnes disent que Ayrton Senna est encore vivant. Qu'en penses-tu? Non, c'est faux. Ouais, Gérard, j'ai une question. Qu'en penses-tu? C'est Diana qui te l'a dit. Non, vous arrêtez s'il vous plaît de parler de ça. Vous arrêtez s'il vous plaît. Gérard, j'ai une question. Casimir. Oui, j'ai une question, moi. Est-ce que c'est vrai que t'as une fille, Gérard? Alors là, je te raconte pas, tu vas voir. Hop, tu vas voir plus tard. Gérard? C'est Gérard. Gérard, j'ai une question. C'est? C'est Benjamin. Mm-hmm. C'est pour te demander si, moi qui suis le pro de la comparaison ce soir, est-ce que tu pourrais comparer la Formule 1 niveau vitesse, hein, je parle évidemment, au parachutisme? Au parachutisme, attention, j'ajoute parachutisme en tongue. Non, sujet. Bon, Billie Jean. S'il te plaît, c'est pas toi qu'on a posé la question, voilà, ça c'est rare que je pose la question. Je peux te dire, là, je vois pas du tout le... Non, mais niveau vitesse, je parle. Est-ce que tu pourrais comparer niveau vitesse, je parle, parce que bon, tu descends vite, évidemment, hein, quand t'es lourd, tu tombes. Mm-hmm. Et donc, tu descends vite. Est-ce que niveau vitesse, niveau sensation, est-ce qu'on pourrait comparer ça à la Formule 1? Voilà. C'est la question que je te pose. Je pense pas, hein. Je pense pas. Pourquoi? Je pense pas, parce que déjà, dans parachutiste, je sais pas combien qui descendent, eux. Je sais qu'en Formule 1, ils tournent à plus de 300 dans les virages? Sur les circuits, et même voire 200 dans les stands. Dans les stands, c'est limité maintenant. Combien? C'est limité à... À 20? À 50 km. Ah bon. Donc, pour te répondre à ta question, donc je vois pas du tout. Non, je pense pas. Gérard, quand tu tombes en parachute, comment tu fais quand y a une chicane? Mais non, il y a pas de chicane dans les parachutes. Comment tu fais pour... Tu peux pas t'arrêter. T'es obligé de le griller. Mais non, y a pas de feu rouge dans. Comment tu fais pour changer de parachute quand tu crèves? Mais non, mais tu peux pas changer de parachute. Dans ces cas-là, tu tombes dans le vide et puis c'est tout. Voilà, Sildar, c'est pour dire des conneries. Non, c'est pas Sildar. C'est Yola. Non, oui. J'ai une question. Non, mais Yola maintenant. Oui. Est-ce que Yassine, Gérard? Ah non, oui, c'est Yola. Est-ce que tu aimerais qu'on t'attache les bras sur une voiture de Formule 1, qu'on te fasse faire un tour? On te traîne derrière. Kamikaze. Qu'on te fasse faire les tours à 300 à l'heure. Non, mais là c'est même plus. C'est une question, Gérard. Non, mais moi je. Oui ou non? Ouais, ça y est, oui. Gérard, oui, ouais. Gérard, j'ai une question. Ouais, ça minutes. Laissez-le répondre. Chacun son tour. Donc, moi, je vais te dire une chose, Yola, c'est même plus du sport, c'est de la rage. Bah voilà. C'est de la rage. La citation de Gérard, c'est plus du sport, c'est de la rage. Non, et qui sait qui a encore une question pour finir? Gérard, c'est moi. J'ai pas posé de question encore. Alors, Billie Jean, pour terminer. Écoute, Gégé, je vais te poser une question, c'est à propos de la réglementation. De la vitesse qui va se passer cette année. Donc, est-ce que tu es d'accord avec la réglementation de la vitesse par rapport à la pub, quoi? Attends, mais là, attends, oh, Billie Jean. Oh, Billie Jean. Oh, oui, Billie Jean. Oh, t'as entendu ça quand? Bah écoute, Gégé, ils l'ont dit, hein. Non, mais ça, c'est vrai, hein. Aux informations. Non, attendez, laissez-la finir parce que. Oui, je te réponds, cette année, la réglementation pour 98. Il va y avoir un système de, ils pourront pas aller à une vitesse supérieure, hein, je sais plus combien, quoi. Oh, mais ça gâche le sport à ce moment-là. Non, c'est vrai, ils disent que ça gâche le sport. Alors, Gérard, je sais pas ce que t'en penses, mais. Attendez, là, moi, pour l'instant, Billie Jean, je sais pas quand est-ce que t'as entendu parler de ça. Attends, tu me poses la question, maintenant, tu me laisses répondre, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi. Donc moi, pour l'instant, j'en ai pas encore entendu parler, et ça m'étonnerait qu'il y ait une réglementation sur la vitesse. Attendez, ça m'étonnerait. N'importe quoi. J'en ai jamais entendu parler, hein. Et paraît que si ça se passe pas bien, ils feraient tous les circuits en marche arrière. Non, ça c'est des conneries. Gérard, j'ai une question pour Benjamin. Non, terminé, on fait conclusion. Alors, dernière question pour Benjamin et conclusion. C'est-à-dire que par rapport à ce que vient de dire Billie Jean, là, juste avant. Ouais, moi, là, ça confirme ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que comme tu n'as pas de preuve, tu ne la crois pas. Mais peut-être que c'est vrai, tu n'as pas de preuve, donc tu ne peux pas affirmer que c'est faux. Non, mais Benjamin, attends, Billie Jean, s'il te plaît, je réponds. Écoute, Gérard, je suis tout oui. Benjamin. Oui. Donc moi, j'ai jamais dit que j'ai pas de preuves, parce que moi, j'en ai pas encore entendu parler aux informations. Vu que les grands prix commencent pas avant la mi-mars, d'accord. Donc on peut pas savoir déjà fin février ce qui va se produire sur les circuits de Formule 1 cette année. Que je voulais savoir, Gérard, c'est Casimir. Oui. J'ai une question. Casimir, il me semble que je t'avais dit de t'en aller. Je me suis calmé, Gérard. Yasmine, elle a une question. Attends, Yasmine, s'il te plaît. Casimir, j'ai une question. Oui. Vite, pour... Oui, est-ce que tu as assisté au Grand Prix où Senna est mort? Non, je l'ai vu à la télé, oui. Ils ont arrêté la course, et tous les pilotes à... Ils ont passé des pubs. Non, ils n'ont pas fait pub. Ils ont passé des pubs, j'ai dit, ouais. T'as pleuré? Gérard, ça a été quoi ta réaction, justement? Disons, on l'a pas su sur le... Sur le coup. Ça a été annoncé. Non, il est tombé sur le haut du crâne, pas sur le coup. Non. Vu à la... Non. Non, il a repris la course, mais en morceaux. Non. Ah bon? Non. Vu comme ça s'est produit, on sait pas s'il est mort sur le coup ou pendant son transfert à l'hôpital. Attends, s'il te plaît. C'est pas sur le coup. Merci, s'il te plaît, tu vas te calmer, merci. Il a pas tu vas te calmer. Gérard, j'ai quelque chose à dire. Non, mais moi, je vais répondre à Casimir. Donc, Casimir, donc, pour ta question, donc on ne sait pas exactement. Il est encore vivant. Ça a été annoncé. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, merci. Vous. Ça a été annoncé dans les informations très tard. Pas pendant le Grand Prix. Il y a eu un deuxième départ et les pilotes avaient mis déjà pied à terre. Ils ne voulaient pas repartir. Voilà, donc sur ce, on va faire la conclusion. Yasmine, elle a une question. Oui, alors vas-y, Yasmine. La dernière, après conclusion. Pourquoi t'es con? Je voulais te demander pourquoi à chaque fois il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de filles dans les compétitions de Formule 1. Mais si, il y a beaucoup de filles. C'est le réponse. J'ai même pas entendu la question. Elle t'a demandé pourquoi il n'y a pas de filles. Ah ben ça, parce que c'est peut-être un sport qui n'est pas pour les filles. Bah non, il y en a une année. Gérard, c'est Benjamin, j'ai juste une précision à dire. C'est sur la mort d'Ayrton Senna là, qu'on parlait il y a 30 secondes. Ouais. On peut pas affirmer qu'il est mort sur le coup, étant donné qu'après avoir percuté le mur, il a bougé la tête. Oui, mais ça. Oui, mais attends, Benjamin. Non, mais Gérard, c'est véridique ce que je te dis. Oui, mais maintenant, savoir où. Parce que tout le monde dit qu'il est mort sur le coup. Donc non, ça ne peut pas être possible, il a été mort pendant. Il a été mort pendant son transfert à l'hôpital ou à l'hôpital, c'est tout. Conclusion là-dessus. Oui. Donc, oui. Conclusion du débat. Benjamin. Donc, moi, j'en conclus que bon, c'était pas trop mal. Bon, on a bien avancé. Il y avait une bonne vitesse. Je crois que les questions ont bien répondu. Même si c'était pas toujours admirablement posé, mais bon, même si tout n'a pas été tout bien assimilé. Sinon, le débat en lui-même était manifestement bien conduit. Moins bien conduit que la semaine dernière, mais pas trop mal conduit quand même. Et bien joué, Gérard, pour cette autorité. C'était à peu près comme la semaine dernière. Sauf que là, les questions, c'est vrai. Il y avait plus de gros. C'est-à-dire que le débat était bidon. Qui a choisi ce style de débat? C'est vous qui avez choisi de faire des débats comme ça. Attendez, les auditeurs. C'est toi avec Max qui a décidé de faire un débat sur Automoto. Voilà. Yasmine, s'il te plaît. Le débat, il s'est à peu près bien passé. Même si tes questions n'avaient pas trop de sens, et on a tous remarqué que tu n'étais pas vraiment un fan de la Formule 1, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu répondais que tu n'en savais rien, ou que c'est ça. Non, mais attends, il faut dire une chose, que sur la Formule 1, vous m'avez pas tellement questionné. Bah oui, tu réponds pas si, on t'a questionné, Gérard. Hein. Je vous ai répondu. Il y a certains trucs que je pouvais pas vous répondre, parce que... Gérard, quand tu réponds à une question, évite de répondre oui ou non, quoi. Essaye d'argumenter un peu, parce que sinon... Ni oui ni non avec Gérard. Non, mais là, j'ai toujours dit, sur le truc des magazines, c'est vrai que j'en achète pas. Pourquoi? Parce que c'est horriblement cher. Le bouquin, je peux le dire, il vaut à peu près 110 balles. Moi, j'ai pas 110 balles à mettre dans un bouquin de Formule 1, je suis désolé. Ouais, pour faire les mettre dans les clubs. Ouais. Voilà. Et puis, ouais. Donc, Yasmine, pour toi, ça s'est à peu près bien passé. Ouais. À part si tes questions n'avaient pas trop de sens, mais bon, c'est pas grave, comme d'habitude. Hein. Ouais, mais ça, faut dire une chose, que les questions, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est complètement con. Ouais, si ça te plaît pas, celui qui vient de dire ça, c'est le même prix. C'est pas de ma faute, hein. Parce que bon, moi, les questions, personne... Okay, personne, personne, personne, à chaque fois que je demande, à chaque fois que je demande de m'envoyer des thèmes de débat, personne m'en envoie. Non, vous m'en avez pas envoyé. C'est pas grave, on continue la conclusion. Steve. Bah écoute, débat assez bordélique en termes de gestion d'animation, et je pense que, non mais plutôt quand même sympa, mais je crois que tu maîtrises pas tout à fait le débat, je suis désolé, Schumacher, il est pas polonais, hein. J'ai jamais été dire ça, d'accord. Ayrton Senna est toujours vivant, c'était Steve. Ouais, bah alors Steve, tu verras, regarde le journaux, lis le monde un peu plus. Ouais, ouais, c'est ça, Billie Jean. Écoute, débat fort intéressant, nous avons été sur les circuits... De toute part. Tu nous as fait rêver, Gérard, ce soir. Tu nous as fait rêver, Gérard, sur les circuits de Manicourt, du Brésil. Tu vois, ça a été un... Non, mais Brésil, c'est pas moi qui en ai parlé. Je crois que c'est Yola Yola. Non, mais je sais, comme d'habitude, tu nous fais rêver, quoi. Mm-hmm. Ces questions, elles font rêver. Ouais, je suis d'accord. Yola, pour finir. Oui, moi, je suis d'accord avec Billie Jean. C'est parce que j'aimerais bien faire un circuit à poil avec toi, Gérard. Ouais. Non, mais ça, c'est la meilleure conclusion. On verra ça. Casimir. Alors moi j'ai deux choses à te dire. Tout d'abord une phrase qui s'adapte au débat. Mm-hmm. Kant a dit penser c'est nuancer. Hein? Kant, le philosophe, a dit penser c'est nuancer. Donc ça s'adapte tout à fait au débat. Mm-hmm. Et mm-hmm. La deuxième chose, c'est que j'ai eu plaisir à voir que pour une fois c'était pas trop con et que tu as pris plaisir à parler d'une de tes passions. Et ça c'est bien. Et ben ça. Plaisir, Gérard. Ça, la Formule 1, ça a toujours été ma passion. C'est comme le foot ou le tennis. C'est pour ça que souvent Oui, le tennis. Soit le tennis de table, le ping-pong comme on a fait il y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 15 jours, deux semaines. Ah, oui. Donc sur le ping-pong c'était pareil. Moi c'est des sports que il y a des sports que j'aime et que je veux en parler. Il y a certains sports que je ferai pas de débat. Pourquoi? Parce que c'est des débats que. Quel sport? Style le rugby, ça c'est un sport que j'ai horreur. C'est bien le rugby. Sinon il y a d'autres sports que je pourrais mettre. Le hockey sur glace c'est pas tellement mon rayon. Ah c'est bourrin. Hein. C'est plutôt que je vois pas. Quand tu vois les joueurs qui se tapent dessus, tout ça. Alors, t'as vu pour les Jeux Olympiques là la baston qui a duré 5 minutes 30? Ouais, j'ai suivi les Jeux de Nagano, donc justement tu parles de ça. Il y a aussi moi, il y a un débat que j'ai envie de faire, mais ça je sais pas si. La pelote basque. Non, mais ça c'est trop dangereux. La pelote de Sandy. Celui qui s'amuse à dire ça va dégager tout de suite. Merci. C'est pour répondre à oui. Casimir. Oui, oui. Donc il y a certains sports que je veux faire comme thème de débat, mais ça c'est sûr que c'est compliqué parce que les questions c'est dur à trouver, surtout que j'essaye de trouver des questions qu'on puisse mener tranquille et où qu'on puisse parler un peu cul. Ça c'est vrai parce que le jeudi on parle pas trop la libre antenne en ce moment, je sais pas, ça se voit que c'est les vacances, c'est un peu caca boudin. Ça fait deux jours que le chef il termine à 1h du matin parce que les gens ont pas de sujet pour qu'ils puissent s'éclater. Je suis désolé. Attends, c'est caca boudin. Lundi c'était super, mardi c'était caca boudin. Mercredi, il y avait François, sinon après à 1h il a arrêté. C'est normal, il faisait découvrir. Gérard, tu lances un message aux auditeurs. Oui, vous arrêtez d'être bête. Mais dans ce cas-là, moi je demande une chose, c'est que si vous voulez que Max continue son émission de nous faire des tripes. Merde, je vais y arriver. Des tripes à la niçoise ou à la toulousaine? Non, mais des tripes comme il a l'habitude de faire. Dans ce cas-là, trouvez-lui des sujets que vous avez envie de parler avec lui, qu'on puisse se marrer, nous, derrière le poste, parce qu'on attend que ça, de se marrer. Mais vous nous faites pas rire en ce moment, c'est les vacances. Gérard. Oui. Dire, c'est Casimir. Bravo. Bien joué. Bravo, Gérard, ouais. Ouais, Casimir. Je trouve que t'as la chasse en ce moment, hein. Mais ouais, mais allez, regarde. T'es amoureux, là, Gérard. Mais ouais, mais regarde. Steve. Casimir, oui. Je veux dire. Oui, t'écoutes depuis combien de temps, Moi, je t'écoute depuis le tout début des débats, et puis, bon, je suis pas un habitué. Je passe à peu près... Une fois par semaine. Mm-hmm. D'accord. Bon, moi je peux vous dire moi je peux vous dire que pour l'instant je suis pas mécontent. Ça s'est bien passé ce soir. C'est vrai. À part un qui nous a un peu. Non, c'était marrant. Agacé. C'était bien, non, à part un qui nous a vraiment agacé. Sinon, j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Donc, je voudrais que le deuxième se passe pareil.